Les agronomes coréens s'attachent à réaliser des objectifs principaux des études agronomiques. Ils s'efforcent pour introduire massivement aux fermes des semences de bonnes espèces du riz et du maïs dont la supériorité est déjà confirmée et mettre au point des méthodes culturelles scientifiques, notamment la culture de plants du riz de grande taille. Des efforts sont convergés aussi à la culture des semences de bonnes espèces résistantes à la haute température, à la sécheresse, au froid et aux maladies, et aux insectes nuisibles et de haut rendement. Des études sont promues aussi pour la production nationale des engrais, insecticides et microbicides, indispensables à la composition de la solution nutritive de pommes de terre, pour introduire la technique culturelle susceptible de hausser considérablement le rendement par hectare dans les vergers du pays, et régler des problèmes scientifiques et techniques posés dans la conception du système de procédés de production industrielle de divers pesticides biologiques.